Chapitre 2e. Il était près d'une heure du matin quand j'arrivai à X. Je fus surpris du calme que je vis autour de la gare. Je m'étais attendu à une certaine agitation, produite par la découverte lugubre qu'on disait y avoir été faite. Je ne surpris rien de pareil. C'était la solitude, le silence. Un employé, une lanterne à la main, allait et venait le long du quai, attendant le moment de donner le signal du départ. Dans la petite gare, faiblement éclairée par un papillon de gaz, personne. Ce calme commença par m'étonner étrangement. Je sautai néanmoins sur le quai, et j'allais, dès que le train fut parti, m'informer auprès de l'employé. Quand je lui parlai du cadavre découvert à X, il me regarda d'un air si parfaitement ahuri que j'eus l'impression d'avoir été victime d'une mystification. Mais dans quel but? Et comme c'était sot, cruel même dans ma situation. Quel était l'auteur de cette stupide farce? Je me creusais vainement l'esprit pour le deviner, et vous devez facilement imaginer dans quel état j'étais. Au lieu de passer ma nuit dans mon lit, près d'une femme désirée, ardemment aimée, je me voyais condamné à poireauter sur le quai d'une petite gare en attendant le train devant me ramener à Paris. Il n'y avait pas de train, en effet, avant 4 heures du matin, et j'avais 3 grandes heures à me morfondre. La nuit était brumeuse, froide même, parfaitement maussade, moins maussade cependant que mon humeur. Ah, si j'avais tenu le mauvais plaisant! Mais comment le découvrir? Je ne voyais pas, parmi mes camarades, parmi mes connaissances, qui avait pu songer à me jouer un tour pareil. Je ne croyais en effet à ce moment qu'à une mauvaise farce. Si j'avais pu ne pas me tromper! L'employé rentrait dans la gare dont il allait refermer la porte. Je le suivis, machinalement. Je ne savais trop que faire pour passer le temps. « Ainsi, me demanda-t-il, on vous a dit à Paris qu'on avait trouvé ici le corps d'une femme écrasée sur la voie. On me l'a téléphoné en me disant de partir tout de suite. Je n'ai point entendu parler de ça. Et vous êtes journaliste? Oui. Vous avez cru peut-être qu'il s'agissait de cette femme dont on parle dans les journaux et qui a disparu si drôlement? Je l'ai pensé, en effet. Ce n'est pas encore ici que vous la trouverez, mon cher monsieur. Je le vois bien. » Et j'avais l'air le plus désappointé du monde, mais je n'étais pas seulement désappointé, j'étais furieux, outré. Je ne trouve pas de mots pour exprimer ce que je ressentais. L'employé s'aperçut, à ma mine, de ma déception. « Je comprends que ce n'est pas gai de faire pour rien un voyage pareil et par un temps si désagréable. Qu'allez-vous devenir en attendant le train? Je ne sais pas, répondis-je. Si encore il y avait un hôtel, un établissement ouvert, mais rien. » Ici, c'est le désert, mon cher monsieur. Le village est à 2 kilomètres et à cette heure-ci, tout y dort. Ce que je puis vous offrir, c'est de rester dans la salle d'attente. Il y a un fauteuil sur lequel vous pourrez dormir. Je vous remercie, dis-je à l'employé. Allez à vos affaires, ne vous occupez pas de moi, je saurai m'arranger. J'avais hâte d'être seul pour réfléchir à ce qui m'arrivait. Ce n'était pas amusant du tout, mais ce n'eût été qu'un moment désagréable à passer, tandis que ce qui m'attendait... Je trouvais le temps très long, mais comme j'aurais pensé autrement si j'avais pu prévoir ce que j'allais apprendre en rentrant chez moi. À 4 heures précises, une sonnerie annonça l'arrivée prochaine du train. Je me levai vivement. J'allais donc pouvoir rentrer à Paris, retrouver ma chère Raymonde. L'employé accourait avec sa lanterne. « Vous avez bien dormi ?» me demanda-t-il. « Je n'ai pas essayé. En effet, j'avais songé à tout, excepté à dormir. » Le jour pointait quand je me trouvais enfin devant ma maison où m'avait amené en toute vitesse un taxi auto pris à la gare. Avec quelle hâte, je montai l'escalier. J'allais trouver ma Raymonde endormie sans doute. Elle se réveillerait sous mes baisers. Je fus désagréablement surpris quand j'arrivais devant ma porte de voir un ray de lumière passer au-dessous. On ne dormait donc pas. Ma femme avait-elle fait la folie de m'attendre? Je mis la clé dans la serrure. Mais aussitôt la porte s'ouvrit. Joseph se montra. « Monsieur n'a rien eu ?» me demanda-t-il. Je le regardai avec stupeur sans comprendre. « Monsieur n'a pas rencontré madame ? » ajouta-t-il. Ma stupeur devint plus grande encore. « Madame est sortie ?»« Oui, pour voir s'il n'était rien arrivé à monsieur. » Je comprenais de moins en moins. Je devais avoir l'air absolument ahuri. Je demandai des explications et j'appris qu'on avait téléphoné après mon départ qu'un accident était arrivé au train que j'avais pris, qu'il y avait des morts, des blessés. Raymonde était partie comme une folle. Un travail étrange se faisait dans mon esprit. cette nouvelle était fausse comme celle qui avait motivé mon départ pour X. Je fus pris alors d'une grande terreur. Il ne s'agissait plus d'une mystification, ainsi que je l'avais pensé, mais d'un complot, d'un véritable complot ourdi contre moi, contre ma femme, contre notre bonheur. Un frisson me traversa le corps et je me sentis devenir d'une pâleur mortelle. « Madame est allée à la gare ?»« Oui, monsieur. J'y cours. » »« Ainsi, il n'y a pas eu d'accident ?»« Mais non, pas plus qu'il n'y a eu de femme écrasée. » J'étais affolé positivement. « Raymonde, Raymonde, ma Raymonde !» Que pouvait-il lui être arrivé? Qu'avait-on tenté contre elle? J'étais certain maintenant que c'était à elle qu'on en voulait. On avait d'abord cherché à m'éloigner en m'envoyant dans un endroit où il n'y avait rien. Puis, on avait attiré Raymonde hors de sa maison. Et maintenant, où était-elle? Où était-elle? J'étais fou. J'errais un instant dans la rue, au hasard, ne sachant trop ce que je faisais. Puis, ayant aperçu une auto roulant à vide, je sautai dedans et me fis conduire à la gare. Je savais bien que je n'y trouverais pas ma femme. Mais peut-être l'aurait-on vue. Peut-être me fournirait-on un renseignement pouvant me mettre sur sa trace. Et d'ailleurs, où aller? J'avais besoin de mouvement. Je sentais que la raison allait m'abandonner devant une pareille catastrophe. J'étais persuadé, en effet, que je ne reverrais plus Raymonde. Les idées les plus folles, les plus extravagantes, hantaient mon esprit. Quelle nuit de noces! Quelle noce tragique! Je redoutais tout. On m'aurait appris que ma femme avait été entraînée dans un guet-apens et assassinée, cela ne m'eût pas surpris. Les plus grands malheurs semblaient prêts à fondre sur moi. Dans quel état j'étais? Je faisais des efforts surhumains pour ne pas crier ma douleur. À chaque instant, je passais par la portière une tête blême, hagarde. Mes yeux angoissés fouillaient les rues. Il me semblait que j'allais apercevoir Raymonde, fuyant sur un trottoir ou emporté dans un véhicule quelconque. Raymonde me cherchant, m'appelant. Rien. À cette heure matinale, les rues étaient presque désertes encore. Les autos et les voitures étaient rares. J'approchais de la gare. Je sautai à terre avant que l'auto fût arrêtée, et je courus interroger les uns, les autres, les employés, les agents que je rencontrais. Je leur demandai à tous s'ils n'avaient pas vu une jeune femme que je leur dépeignais de mon mieux. J'avais l'air d'un dément. Ils semblaient ne pas savoir ce que je voulais dire. Et je me convainquis bientôt que Raymonde n'était même pas venue à la gare. Alors, où était-elle allée? Ou plutôt, où l'avait-on entraînée? J'avais dans l'idée que je ne la reverrais plus, qu'elle était tombée entre les mains d'un misérable qui la convoitait, qui l'avait menacée, et je voyais nettement à présent toute la trame du complot dont elle et moi nous avions été victimes. Et il m'était impossible de rendre ce que j'éprouvais. Raymonde, ma Raymonde que j'aimais tant, que j'avais tant désirée, de l'affection de qui j'étais certain, était désormais perdue pour moi. Des larmes grosses comme le doigt ruisselaient le long de mes joues, et je ne sais qui me retenait de hurler ma douleur. Je remontai dans mon auto, sûr maintenant de mon malheur, et me fis reconduire chez moi. Là, au moins, je pourrais pleurer à mon aise. Dehors, je souffrais trop. Je trouvai Joseph m'attendant avec anxiété. Quand il me vit revenir seul, il me demanda « Monsieur n'a pas retrouvé, madame ?»« Je ne la retrouverai jamais, maintenant, mon pauvre Joseph, ne puis-je m'empêcher de dire. » Mon domestique me regarda avec stupeur. « Est-ce qu'il serait arrivé malheur à madame ?»« Le plus grand de tous, Joseph, madame a été enlevée. » Les yeux du fidèle domestique s'agrandirent de surprise. « Est-ce possible ? » s'écria-t-il. « Cela ne fait plus l'ombre d'un doute pour moi, malheureusement. » Et j'expliquai les raisons que j'avais de croire que madame avait été attirée dans un guet-apens. Joseph paraissait stupéfait. Il ne revenait pas que de pareilles choses puissent se passer. « Monsieur se trompe peut-être, » me dit-il. Je secouai la tête douloureusement. « J'ai bien peur que non. Et qui aurait fait cela? Un homme qu'il aimait, qui voulait l'épouser, et qui, pour se venger... Monsieur le connaît? Mais oui! Monsieur devrait porter plainte. Et une preuve? En tout cas, je sais bien, moi, ce que je ferais. Et que ferais-tu, mon pauvre Joseph? J'irai trouver cet homme, et il faudrait bien qu'il me dise ce qu'il a fait de ma femme, si c'est lui qui l'a enlevée. Je n'y manquerai pas, sois-en persuadé. Mais sais-tu ce qui arrivera? Non, monsieur. Je lui dirai des injures, je le provoquerai, nous nous battrons, il sera blessé ou je le serai, mais cela ne me rendra pas Raymonde. Je ne voyais pas, en effet, de remède à mon malheur. Ce malheur m'apparaissait désormais dans toute son étendue, et jamais je n'avais tant aimé Raymond que je l'aimais à cette heure où je la croyais perdue. Je me rappelais sa beauté, tout son charme, l'ivresse de cette journée passée à ses côtés. J'entendais à nouveau les mots pleins de tendresse qu'elle m'avait dit. Je revoyais son sourire, l'expression affectueuse de ses beaux yeux, et des frissons traversaient ma chair. Comme je l'aimais, comme je l'aimais. Et penser que je ne la reverrais plus, peut-être, qu'elle était à cette heure au pouvoir d'un rival, c'était trop, c'était trop. Comme elle devait souffrir. Elle était sûrement aussi malheureuse que moi, car elle m'aimait autant que moi. Et je me demandais ce que j'allais faire pour la délivrer, pour l'arracher à son persécuteur. Je savais le misérable capable de toutes les violences plutôt que d'abandonner sa proie. Je le connaissais cruel, dévoré par une jalousie féroce. Il avait fait à Raymonde, quand il sut qu'elle m'avait préféré à lui, des menaces abominables. Mais je le croyais parti. Nous le pensions loin de Paris. Non, il était là, guettant l'heure propice, méditant le forfait qui allait le venger. Comme il devait rire de moi à cette heure, et avec quelles atroces délices, il torturait sans doute son innocente victime. Je me reprochais mon manque de vigilance, la facilité avec laquelle j'avais donné dans le piège tendu. Mais qui aurait pu se douter d'une aussi infernale combinaison? Je demeurai un long moment comme anéanti, écrasé sous le poids de mon malheur. Puis, je finis par me redresser, par avoir honte de ma faiblesse. « Il faut agir, » m'écriai-je, « et ne pas s'avouer vaincu ainsi. Il faut sauver Raymonde. » Je me mis de mon côté à combiner un plan devant me faire avoir raison de mon adversaire. Cet adversaire, je le connaissais. Je le connaissais trop. C'était un de ces rastas de nationalité bas comme il en a tant à Paris. Celui-ci se nommait Gregorio. Il était d'une origine turque ou bulgare, on ne savait au juste. Il avait longtemps poursuivi Raymonde et avait essayé de la séduire. Elle l'avait toujours repoussé, malgré les offres brillantes qu'il lui avait faites. Il était dévoré de passion et de jalousie. Et lui seul avait pu combiner le plan machiavélique dont nous avions été victimes, ma pauvre femme et moi. Lui seul avait pu le mettre à exécution. Il était l'auteur de la macabre mystification. Il était l'auteur du rapt audacieux. Cela ne faisait pas pour moi l'ombre d'un doute. Et l'idée que ma Raymonde était entre les mains de ce sauvage que je croyais capable de tout, qui nous semblait grotesque et dont nous rions, était pour moi le plus intolérable des supplices. Il devait lui parler de son amour, qui lui était odieux. Il devait la menacer, lui faire violence peut-être. Et je ne pouvais rien, rien que me désoler, ne sachant ce qu'elle était devenue, ne sachant où la prendre. Ah, le coup avait été bien combiné. Le misérable avait choisi son jour et son heure, le jour et l'heure qui devaient être pour moi les plus cruels. Ce n'était pas une vie que je menais. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, on ne me voyait plus chez moi, on ne me voyait plus au journal. J'avais l'air absolument d'un insensé. Mes amis, mes camarades s'étonnaient. Mon directeur secouait la tête quand il me voyait, en ayant l'air de se dire « il n'y est plus ». Je lisais dans les regards, sur les physionomies, ce qu'on pensait de moi. On avait l'air de croire que j'étais un homme fini. Et n'étais-je pas fini, en effet, depuis que j'avais perdu Raymonde? Le bonheur n'était-il pas fini pour moi et la vie elle-même? J'étais incapable d'écrire une ligne, incapable de penser. Je demeurais hébété, hagard, n'ayant en l'esprit que cette idée fixe qu'est devenue Raymonde. Tous mes efforts pour tâcher de découvrir la piste de Gregorio étaient demeurés stériles. Nulle part, ni dans l'hôtel qu'il habitait autrefois, ni dans le restaurant et le café qu'il fréquentait, on ne l'avait revu. On ne croyait pas qu'il fût revenu à Paris. J'avais eu l'idée de m'adjoindre, pour mes recherches, un policier dont j'avais pu apprécier l'habileté et que je mis au courant de mon infortune. Il se nommait Riquet, et on l'appelait la souris grise, parce qu'il avait en effet un museau de souris et que ses cheveux grisonnaient. Quand je lui eus dit ce que j'attendais de lui et quelle récompense je lui donnerais s'il réussissait, il s'était écrié « Découvrir un Bulgare à Paris, rien de plus facile, je vous demande 2 jours. » Les 2 jours s'étaient écoulés et Riquet n'était pas plus avancé que moi. Cela devenait désespérant. Et pendant ce temps, Raymonde était torturée. Raymonde avait à se défendre sans doute contre les obsessions, contre les violences, peut-être d'un misérable. Raymonde était menacée, Raymonde était au désespoir. Et je ne pouvais rien, rien. C'était à devenir fou. Et je le serais devenu en effet, si le hasard ne s'était enfin prononcé en ma faveur.